Kill, c'est Lethal Thug, M-A-N-I-K. 2008. J'ai fait mes premiers pas dans le rap en speech avec la foi et la rage. Mes premiers écrits, mes premières pages. 2006, 15 balais et une grosse envie de parler, de relâcher ma haine. 2007, mes premières scènes. Des écrits plus lourds qui soulageaient mes peines. Rap dans mes gènes, du sang qui coule dans mes veines. 2008, de nombreux titres, de nouveaux beats. Mais aussi des gros problèmes qui m'irritent. Des trajets qui me limitent pour mes feats. Des MC qui m'imitent, forgé par ce vécu. Ces traîtres, clash et faux cul. Au mic comme sur le ring, j'ai vaincu. C'est du rap frais, sans prod, uniquement fait pour les vrais. De café m'amène, sauce à la prod et dica. À ma famille et mes potes, t'inquiète, c'est le rital et manique. En mode bavard pour présenter le haut et le bavard sur ce flow. On vient briller, ça vient du sud, te casse. C'est du rap ensoleillé. Notre moyen de survivre à nous est le RAP. Un art simple et noble auquel on est consacré. Armé d'une feuille, d'un big pour s'exprimer. Cela nous aide à ne pas déprimer, à ne pas dériver. Notre moyen de survivre à nous est le RAP. Un art simple et noble auquel on est consacré. Armé d'une feuille, d'un big pour s'exprimer. Groupuscule à K8-3, lyrics élaborés. J'ai pris le rap pour pouvoir dévoiler mes émotions. Et pour cette course à la victoire, un moyen de locomotion. J'ai plus de place pour les émotions, mon cœur est en démolition. Mais fier de ce que je fais et de la qualité de mon son. C'est pour les sœurs, c'est pour les frères qui ont eu la même éducation. C'est pour les mères, c'est pour les pères qui ont lutté pour nos instructions. C'est pour les extrémistes de droite qui ont tout fait pour notre destruction. Moi je rappe pour l'opposition et pour la prise de position. Voici le rap que l'on aime dans ma coalition. Voici le rap que l'on mène coûte que coûte vers la pole position. Voici le rap qui coule dans nos veines et qui est devenu notre mission. Voici le rap qui a la haine pour toute ma production. Notre moyen de survivre à nous est le RAP. Un art simple et noble auquel on est consacré. Armé d'une feuille, d'un big pour s'exprimer. Cela nous aide à ne pas déprimer, à ne pas dériver. Notre moyen de survivre à nous est le RAP. Un art simple et noble auquel on est consacré. Armé d'une feuille, d'un big pour s'exprimer. Groupuscule à K8-3, lyrics élaborés. C'est Rival Thug et Manique. Rappeur maniaque, faut que ça nique. Nous on rappe avec la niaque, j'compose avec un stylo big et une bouteille de Jack. J'rentre dans ce RAP et pas sans déraper. AK-83, je suis sapé, mon esprit dans une bouteille de DSP. Manque pas de respect aux auteurs de t'aspect. Tu vois chez moi, you vois, c'est pas juste un aspect. Alors comprenez que notre RAP sur la France était dark. Et donc moi je rappe avec mon âme et mes lyrics comme âme. Pour pas tomber dans le drame, pour pas tomber en panne. Pour montrer qu'on en a dans le crâne et que le mal nous éloigne pas, ne nous épargne pas de tout ce qui se passe ici bas et de ceux qui veulent dicter les lois. Notre moyen de survivre à nous est le RAP. Un art simple et noble auquel on est consacré. Armé d'une feuille, d'un big pour s'exprimer. Cela nous aide à ne pas déprimer, à ne pas dériver. Notre moyen de survivre à nous est le RAP. Un art simple et noble auquel on est consacré. Armé d'une feuille, d'un big pour s'exprimer. Groupuscule à K8-3, lyrics élaborés. Ok, les années passent mais ne se ressemblent pas. On est toujours là, M-A-N-I-K, groupuscule sud. Prod MK, AK-83, Rita Duck, Mamel Sosa. Pour le 8-3, on conquérait le rap. Pour le 8-3, pas qui part à la trappe. Pour le 8-3, pour le 8-3.